version ACDC by Benji. ACDC, version Benji. Merde, j'ai pas parti. Hein. Ça c'est le genre de morceau, après j'ai plus de voix.

la file aussi, c'est pas mal. Manus. Ouais, je veux bien que tu m'envoies par mail comment on fait. Vu que je suis un blaireau à guitare. Manus qui demande des choses. Cheat. En fait, ça joue sur une corde, c'est ça? C'est sur une corde, vous faites ça? Ouais, j'ai piqué les accords. Comme c'est mal joué, on voit pas. Ok, ça doit passer là. Yeah. ouais, c'est cool. Bon appétit. Au revoir, Magnus. Jolie trompette. Et très bon batteur et qui...